sous le 8, dans la grotte, procession. Les fouetter, c'est ma profession. J'ai les frappes et la possession. Je veux le chiffre d'affaires de Harley. Les love de Marley, je suis la version l'un de Barney. Négro, je suis avec Rio qu'en train de le jam. Pendant que j'écris leur place dans le carnet. Fritz Carlone et Kekira. C'est sous mes manches, moi, Rémi Pirat. J'arrive comme bouche, j'ai ses miracles. Je compte ni sur la chance, ni sur des miracles. Shenzhen, Simno, la King. Tous les jours, fuck 12 négros. Je suis tout seul, je découpe comme 12 négros. Sortir comme un globe, 12 négros. Équipe, je suis avec Osho dans le neighborhood. Roll out the gang shit comme si j'étais neighborhood. S.O.D.B. j'ai la frappe comme Roberto. J'suis comme un océan, t'es comme un gros verre d'eau. J'suis ligne de ouf, comme un gueuche de coq, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, j'me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond, la bitch me regarde, j'sais quel con ça fond. J'me sens comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, j'fonce à fond. J'suis ligne de ouf, comme un gueuche de coq, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, j'me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond. Ta bitch me regarde, je sais quel con ça fond. Je me sens comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, je fonce à fond. Qui lui a vu comme le double G. Sur la ceinture j'ai le double G. Gros fumigène, je mets deux double G. Je suis comme si j'ai des skis ou des patins. Et sous ça j'arrive qui lui tous les matins, hein. J'ai le plan comme Lester. Oscar aux ans comme Dexter. Je suis dans le labo comme Dexter. Équipe. Je pilote comme taxi, une chapeau comme maxi. Sur la prod d'équipe comme Katsi. Équipe. Flash de linge, mix de Red Bull. J'ai les techniques des découpes de Deadpool. Fiston, j'ai la vision de Luca. Shenzhen, j'arrive avec les blindages de Luca. Équipe. Ligne de ouf, comme un gueuche de coca, des lignes de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond. La bitch me regarde, j'sais quel con ça fond. Je me sens comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, je fonce à fond. J'ligne de ouf, comme un gueuche de coq, raté ligne de ouf. Tracé négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond. Ta bitch me regarde, j'sais quel con ça fond. Je me sens comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, je fonce à fond. J'ligne de ouf, ligne de ouf, ligne de ouf. Tracé négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond. Comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, je fonce à fond. Ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy, ligne de ouf. Fonce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà vu la tour d'avancée, je fonce à fond.